me lever à 7h et mettre mon sac sur le dos, non. Je traînais dans le secteur sans cogiter sur le moment. Ma mère m'avait pourtant prévenu. À force de traîner dans la rue, elle fera de toi son détenu. Jusqu'à l'idolâtrer en flocage sur mon blouson. Je suis conscient que j'ai seulement taché mon blason. Les agissements s'interprètent 5 ans plus tard. La pente est tard, c'est chaud si tu te repentis tard. 22 piges, la porte est toujours close, mec. La vie est ainsi, j'attends mon rayon de soleil. Me remettre en question sur le beat, c'est comme ça que je procède. Quand je prends le micro, c'est sans penser à l'oseille. J'attends toujours ma lueur d'espoir, mon rayon de soleil. À la conquête d'une meilleure histoire. Les années passent, même si ma conscience s'éveille. Je cherche la vérité tournée vers l'essentiel.